Bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis Théo Sabadel, je suis docteur en sciences politiques et post-doctorant au laboratoire Triangle. Et j'ai fait ma thèse sur l'évolution des politiques de prévention du VIH entre le milieu des années 2000 et la fin des années 2010. Alors je vais pas trop parler de périphérie. Voilà, donc ce sera un peu plus éloigné que le projet initial. Je vais beaucoup parler d'histoire, d'acteurs, surtout d'acteurs en fait, pas trop d'actrices, perçus comme légitimes dans la lutte contre le VIH et d'une histoire finalement très parisienne. Donc voilà, je voulais m'en excuser par avance, mais voilà, donc c'est une forme de contribution aussi à ce projet. Donc je tiens d'abord bien sûr à remercier Fanny et Thomas très chaleureusement hein, pour cette invitation. Et donc l'intitulé de ma présentation, donc, qui est volontairement large, aborde la longue transformation des politiques de prévention à l'aune de l'utilisation croissante et extensive des molécules antirétrovirales qui sont issues des trithérapies, d'abord auprès des personnes infectées par le virus, puis progressivement auprès des personnes séronégatives. Donc pour commencer cette présentation, c'est ici. J'ai choisi de vous montrer deux séries d'images qui illustrent l'évolution en fait, qui s'opère au cours de la décennie 2010 et qui montrent comment en fait, on passe d'une prévention dite mécanique, donc fondée sur l'utilisation du préservatif, en prévention qu'on appelle combinée ou diversifiée. Donc la première série d'images ici, donc, ce sont des visuels de campagne de prévention qui sont datés en fait, de la décennie 2000 ou du début des années 2010. Où vous voyez qu'en fait, donc ces séries de campagnes voilà, promeuvent activement le préservatif. Donc c'est issu soit de la mairie de Paris, pour celle en haut à gauche, de AIDE, principale association en France, ou du ministère de la Santé. L'autre série d'images, qui est du coup postérieure à celle-ci, c'est d'autres visuels donc, qui sont issus de Santé publique France, donc la grosse agence de santé publique française, et toujours l'association AIDE ici, où vous voyez qu'à côté des outils en fait, plus traditionnels que sont le préservatif, il y a en fait, la promotion de nouveaux outils de prévention, donc, que sont le traitement comme prévention, ce qu'on appelle le TASP, Treatment as Prevention, donc, qui, en fait, qui sont les trithérapies données aux personnes infectées, et la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, donc, sur laquelle je m'attarderai un peu plus spécifiquement dans cet exposé. Et donc l'idée de cette présentation, là, à travers ces deux séries d'images, c'est d'essayer de montrer comment en fait, se sont progressivement imposées les molécules antirétrovirales comme une des réponses majeures de ces 20 dernières années à la lutte contre le VIH, et en fait comment cette promotion de ces molécules a finalement abouti à ce qu'on peut caractériser en termes d'analyse des politiques publiques à un changement de paradigme. Donc, je serais très science politique, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions après. Petite précision aussi pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ces outils, avec ces molécules, etc. Les molécules antirétrovirales, donc, ce sont des molécules qui sont utilisées dans le traitement de l'infection, donc qui empêchent en fait, finalement, le virus de se répliquer dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle communément les trithérapies qui sont données aux séropositifs à partir de 1996. Les premières trithérapies efficaces. Et en fait, la PrEP, c'est une sélection de certaines des molécules comprises dans les trithérapies, donc c'est l'antricitabine et le fumarate de tenofovir, qui sont deux inhibiteurs de la transcriptase inverse, qui empêchent du coup cette réplication du virus dans l'organisme, et qui, là, sont utilisés en prévention de l'infection, pas en traitement. Voilà. Et la PrEP peut être prise soit en ce qu'on appelle en continu, donc tous les jours, soit à la demande, donc quand la personne se sait exposée au virus. Donc je disais tout à l'heure que c'était aussi une histoire très parisienne, puisque mon propos se concentrera beaucoup sur le rôle joué par l'association AIDE dans l'institutionnalisation de l'usage des molécules en prévention, et plus généralement à la refonte aussi hein, des politiques de prévention qui sont le signe d'un changement de paradigme. Donc en fait, il y a une séquence réformatrice qui s'étale grosso modo de 2009 à 2016. Ça, c'est au moment où tout se cristallise et où ça change, en fait, effectivement. Mais il me faut aussi d'emblée préciser que l'analyse complète de ce changement, donc, c'est-à-dire, pour le dire vite, hein, le passage de politiques fondées sur l'usage du préservatif à des politiques de prévention combinées ou diversifiées, s'ancre historiquement dans une période qui est beaucoup plus longue, en fait, débute au moment de ce qu'on appelle la réduction des risques à pour les usagers de drogue, puis la réduction des risques sexuels, donc c'est-à-dire au milieu des années 90, et qui, du coup, se prolonge jusqu'à le vote de la grande loi de santé de 2016, et puis encore aujourd'hui avec la stratégie nationale de santé sexuelle qui a été mise en place à partir de 2017. Donc là, je vais quand même me concentrer sur une période un peu plus resserrée, hein, parce que c'est difficile de faire l'histoire de 25 ans en 30 minutes. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier de mentionner que ça et là, il y a eu la participation à côté de Aide d'autres acteurs, qui ont soit accompagné d'une manière ou d'une autre la mise à l'agenda scientifique et politique des antirétroviraux, ou qui s'y sont opposés. En tous les cas, hein, voilà, il n'y a pas eu qu'un seul acteur, très loin de là. Mais en fait, leur participation, pour le coup, a été soit plus périphérique dès le départ, soit ils ont été complètement invisibilisés par leur opposition. Donc, parler de la PrEP aussi aujourd'hui, ça peut sembler une forme d'évidence, mais en fait, l'usage des antirétroviraux en prévention au début de la décennie 2010 est loin de faire l'unanimité parmi les acteurs de la lutte contre le VIH, en raison à la fois d'un positionnement en fait historique en faveur d'alternatives aux préservatifs et d'une reconfiguration interne à l'association. On a Aide qui va se positionner comme l'un des acteurs majeurs de cette lutte, mais c'était pas acquis depuis au départ, c'est ce que je veux dire. Et en fait, pour que cette solution s'impose dans le contexte français, soit mise à l'agenda, fasse l'objet d'une décision politique, il a fallu en fait que cet instrument soit ce qu'on appelle en sous-politique référencé, qui est un processus de référencement. Donc par processus de référencement, en fait, j'entends en fait toutes les modalités qui permettent l'inscription et le déploiement de ces molécules dans le contexte français. Donc en fait, ce détour analytique, il permet de prêter attention à différentes logiques, des logiques sociales, des logiques politiques, des logiques scientifiques, qui concourent en fait à tout un ensemble d'opérations de traduction qui ont permis en fait à ces molécules, et surtout la PrEP, de devenir une forme de référence savante mobilisable dans le champ de l'action publique en France. Donc pour bien comprendre, en fait, il faut faire un détour par l'histoire de ces molécules et les débats en fait qu'elles ont occasionnés dans le monde scientifique et associatif. Donc mon propos sera découpé en trois parties, hein. Je reviendrai très rapidement sur un petit peu la préhistoire de l'usage des antirétroviraux en prévention, avant plutôt de m'attarder sur ces opérations de référencement, référencement scientifique puis référencement politique, pour comprendre en fait comment la PrEP ou ces molécules antirétrovirales comment en fait elles sont devenues, elles sont passées d'un objet biomédical à un instrument d'action publique, finalement permettant d'atteindre un objectif politique qui est la fin de l'épidémie d'ici 2030, pour reprendre les objectifs de l'ONU-SIDA. Et ce propos essentiellement là, donc c'est issu d'une thèse beaucoup plus longue, mais il se fonde justement sur des entretiens avec les principaux et principales acteurs de l'époque, et aussi des fonds d'archives. Alors on en parlait tout à l'heure. Alors j'ai éprouvé la difficulté d'accéder aux archives de Aide, puisque je n'y ai pas accédé finalement. Soit parce qu'elles étaient en cours de versement, soit parce qu'elles étaient versées, donc du coup il y avait effectivement tout ce processus très, très complexe aux archives nationales, soit parce que ça m'a été refusé aussi, c'est largement possible, mais aussi des archives là plutôt, donc je disais histoire très parisienne, les archives de la Direction Générale de la Santé, les archives du cabinet de la ministre de l'époque qui était Marisol Touraine, où là en fait j'ai profité d'un dispositif spécifique qui fait que les archives ne sont pas versées au cours de la mandature suivante. Donc elles étaient encore entreposées et gérées par le service des archives du ministère, et donc du coup j'ai pu y accéder moyennant en fait beaucoup de tri, parce qu'il y avait des documents qui étaient en double, triple, quadruple exemplaire, donc il a fallu en fait faire un gros tri, mais c'était des archives très riches. Voilà. Donc je vais passer. Donc je vais vous présenter. Alors j'ai pas du tout. Je suis pas un pro du diapo. Donc il y aura trois diapos. Là c'était les deux premières images et j'en montrerai une tout à l'heure. Voilà. Donc essentiellement ce sera une présentation orale. Donc cette préhistoire de l'usage des antirétroviraux, elle commence en fait dès la découverte et le développement scientifique de ces molécules dans le courant des années 90 en fait. Donc en fait là je m'intéresse pas tant à ce que serait la définition chimique de ces molécules, mais je vais plutôt m'intéresser au processus d'appropriation dont on fait l'objet ces médicaments. Et je m'intéresse finalement à l'hétérogénéité des usages ou les possibilités offertes par ces molécules avant même leur commercialisation. Donc je vais prendre deux exemples pour vous montrer en fait comment on peut parler d'antirétroviraux en prévention avant même qu'on parle de PrEP. La possibilité d'utiliser ces molécules en prévention, elle avait été envisagée dès 1995 par une équipe américaine. Donc en 95, en fait, on est un an avant l'arrivée des trithérapies efficaces pour les personnes séropositives. On a une équipe américaine qui va tester cet usage préventif sur le modèle macaque. Donc en fait, cette équipe va prendre un groupe de macaques, va le diviser en deux et va injecter quotidiennement du tenofovir à un sous-groupe, et tout en gardant un groupe témoin avec l'autre sous-groupe de macaques, et on va ces individus vont être exposés au virus SIV, donc qui est très proche du VIH, pour essayer de voir si les injections quotidiennes ont un effet préventif sur l'infection. Et les résultats en fait sont publiés en 1995 dans la revue Science et avancent une très bonne efficacité de ces molécules, puisque aucun singe traité au tenofovir n'avait contracté le SIV, à la différence de l'autre cohorte. Donc en fait, les auteurs concluaient dans cet article sur les potentialités ouvertes par ces molécules en usage préventif et ouvraient en fait la réflexion sur la transposition au modèle humain. Donc ça, on est en 1995. Et donc, peu après le développement, le déploiement des trithérapies en 96, avec la stabilisation des effets indésirables qui était très important au début, en fait, on va avoir là des premiers essais thérapeutiques qui vont être montés dans les pays du Sud à partir des données issues du modèle animal. Et donc, étant donné la difficulté de mobiliser des essais randomisés en double aveugle auprès des populations du Nord, ce qui illustre en fait tout un ensemble d'impensés postcoloniaux, ou en tout cas les inégalités mondiales qui ont structuré la recherche contre le VIH dès les débuts de l'épidémie, on a plusieurs acteurs internationaux privés qui vont financer et mettre en place des essais au sud. Donc c'est par exemple la fondation Bill et Melinda Gates et le laboratoire Gilead qui aujourd'hui commercialise la PrEP, qui vont financer des essais au début des années 2000. Donc on va avoir des essais au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, au Cambodge. Et en fait, ces essais vont être fortement contestés, notamment par ACT UP Paris, mais aussi par des acteurs locaux de la lutte, parce que, alors pas tant sur le principe de tester des antirétroviraux en prévention, mais plutôt sur l'organisation de l'essai qui était complètement inéthique, en fait, puisque ACT UP Paris et ses partenaires locaux dénonçaient le fait que les personnes qui étaient incluses dans l'essai, alors d'abord étaient testées, lorsqu'elles se révélaient déjà séropositives, en fait, elles ne se voyaient pas proposer de solution médicale, et s'il y avait une séroconversion au moment de l'essai, pareil, il n'y avait pas forcément de prise en charge, donc en fait, ça répondait pas du tout aux critères éthiques de base. Et donc ces essais vont être contestés en 2004 lors d'une grande conférence à Bangkok, justement au titre de ces arguments-là. Et donc en fait, au lieu de rectifier le tir, les acteurs internationaux qui finançaient et co-organisaient ces essais vont les stopper. Donc on va avoir l'arrêt pur et simple d'une partie de ces essais. On va en avoir quelques-uns qui vont continuer, notamment au Cameroun, Nigeria, Ghana. Mais là, de manière beaucoup plus réduite et avec des résultats finalement qui ne seront pas très probants. Donc, ce qu'il faut retenir de cette... alors, j'y vais très rapidement, hein, j'y vais à la hache, là. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que on n'a pas une opposition qui est formulée tellement sur le principe des antirétroviraux en prévention, mais plutôt sur le format de l'essai. Mais ça met un petit peu cette histoire en sourdine pendant quelques années. Voilà, donc ça montre, enfin, ces deux exemples-là que j'ai pris montrent finalement une percée en fait à la fois difficile mais aussi inégale des molécules antirétrovirales en prévention. Et cette percée est d'autant plus difficile, donc là je reviens au contexte français, que le contexte français est traversé par une grosse controverse associative, on pourrait y revenir peut-être pendant la discussion, je ne vais pas m'y attarder ici, mais entre AIDS et ACT UP sur justement ce que doit être la réduction des risques sexuels. Est-ce qu'on doit continuer à promouvoir activement le préservatif ou est-ce qu'on doit promouvoir le préservatif et d'autres solutions pour se protéger des risques. Donc il y a une grosse controverse à ce moment-là qui empêche finalement... Un débat serein sur les antirétroviraux en prévention. Et il faut attendre finalement la fin de la décennie, donc en 2010, avec la publication d'un rapport sur commande de la Direction Générale de la Santé, c'est le rapport RDRS, Réduction des risques sexuels, pour que en fait, ces timides avancées soient finalement avalisées par les pouvoirs publics. Mais entre-temps, en fait, on a eu des publications scientifiques, des acteurs de la santé qui ont plaidé en fait hein, pour une plus grande prise en compte de ces molécules. Donc c'est le cas par exemple en 2006 avec un avis du Conseil national du SIDA qui va rendre en fait un avis à propos du dépistage. Donc c'est pas précisément sur les molécules, mais en fait le CNS défend un recours accru au dépistage pour connaître en fait son statut sérologique et donc pouvoir bénéficier, si la personne se révèle séropositive, d'une mise sous traitement la plus rapide possible. Donc en fait, c'est quand même lié hein, avec l'histoire des antirétroviraux. Et surtout, en 2008, on a la publication d'un article par le bulletin des médecins suisses qui, là, pour le coup, alors quelque chose qui était connu, hein, mais qui là, du coup, a valeur scientifique parce que publié, vérifié dans un essai, etc., la dimension préventive des traitements des trithérapies, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est le U égale U. Donc, ces médecins montrent que les personnes qui sont observantes aux trithérapies ont une charge virale indétectable dans le sang et donc sont non contaminantes pour leur partenaire. Et donc ça entérine aussi le rôle préventif des antirétroviraux. Donc les personnes séropositives indétectables deviennent un maillon essentiel de la lutte contre le VIH puisqu'elles ne sont plus contaminantes pour les autres. Donc face à ces éléments qui démontrent en fait progressivement le rôle préventif des molécules initialement développées pour traiter l'infection et face à la baisse d'utilisation du préservatif par les publics les plus exposés, je vais essayer de montrer comment la PrEP en fait va complètement finalement devenir une référence savante et participer au changement de paradigme pour les politiques de prévention du VIH. Donc ce seront mes deux prochaines parties. Donc d'abord sur le référencement scientifique à travers un essai réalisé en France et ensuite son référencement politique. Donc le référencement scientifique de la PrEP, il passe en fait par la réalisation d'un essai qui s'appelle Hyper-Gay, qui débute en France à partir de 2012, mais qui s'inscrit, dans un contexte français très particulier, donc qui est marqué par une controverse associative, donc ce qui rend d'autant plus difficile pour les acteurs de l'époque qui défendaient la PrEP de simplement transposer des résultats qui avaient été obtenus à l'international en France pour dire, bah, vous voyez, c'est efficace et donc on peut autoriser la PrEP. Donc il fallait réaliser en fait un essai en bonne et due forme, d'autant plus que l'essai le plus proche du contexte français, on va le dire comme ça, qui était l'essai IPREX, qui avait été réalisé en partie aux États-Unis, démontrait une efficacité de 44%, donc qui était largement en deçà en fait de ce qui était convenable. Donc en fait, l'objectif initial, c'est en réalisant cet essai, de faire accepter l'idée d'un outil qui s'inscrit dans le paradigme de la réduction des risques sexuels, qui est de nature biomédicale, mais qui est diffusé auprès d'un public séronégatif. Et donc ça, c'est quand même une première, et il faut en démontrer en fait toute l'efficacité thérapeutique. Donc on va avoir en fait tout un ensemble de logiques sociales et politiques qui vont participer à ce référencement. D'abord, en fait, on va avoir de la part de l'association AIDS une sorte de monopolisation du discours sur cet outil, donc par marginalisation des autres acteurs, et ensuite la réalisation d'un essai clinique randomisé en double aveugle, donc qui répond en fait au gold standard de la recherche scientifique, et dont l'association sera co-investigatrice, ce qui est l'une des premières, c'est quand même un événement au niveau de la recherche en France. Donc en fait, d'abord, avant que cet essai soit réalisé, on va avoir une association qui va gagner en fait en capital symbolique à partir de cet objet. Donc on va avoir donc plusieurs ce qu'on appelle en sociologie des entrepreneurs de cause qui vont en fait activement défendre l'usage des antirétroviraux en prévention auprès des séronégatifs. Donc on a l'infectiologue Jean-Michel Molina qui est infectiologue à Paris. On a Bruno Spire qui était le président de l'association à l'époque, mais qui a une formation initiale en virologie. Et en fait l'association AIDS c'était aussi sous sa présidence transformé avec un groupe recherche interne qui pouvait en fait aussi participer activement à la recherche. Et en fait, avant l'essai, on a un groupe de recherche, un groupe PrEP qui va... Allez, j'ai oublié aussi Jean-François Delfrécy qui était président ou directeur, je ne sais plus comment on dit, de l'ANRS, donc qui est en fait le guichet de financement principal des recherches sur le VIH-SIDA et qui était pareil, un soutien actif de la PrEP. Donc en fait, Tous ces hommes, bien dotés en capital symbolique, social, etc., vont marcher ensemble pour défendre l'idée de la PrEP et organiser un essai scientifique. Donc en fait, on a un groupe PrEP au sein de l'ANRS à partir de 2008 qui est un lieu de réflexion, mais qui est aussi un lieu dans lequel va se monter les premiers objectifs qui aboutiront à l'essai au protocole hyper-gay. Suite à ces travaux, on a une réunion qui est tenue entre ces chercheurs qui participent à ce groupe PrEP à l'ANRS et les militants de AIDS en 2009 pour justement penser à un essai qui soit co-organisé par des médecins et l'association. En parallèle de ça, on va avoir une consultation communautaire. Donc, je disais, il n'y a pas que AIDS dans cette histoire de la PrEP. AIDS, en fait, se place dans les arènes, on va dire, scientifiques légitimes, mais d'autres associations ont aussi voix au chapitre via le TRT5, qui est un regroupement d'associations qui en fait, du coup, va étudier la question, donc va organiser une consultation communautaire durant toute l'année 2010, donc auprès des militants, auprès des personnes qui pourraient être concernées par cet essai, et pour savoir en fait si finalement cette solution serait une bonne solution pour repenser les politiques de prévention. Et en fait, quand on lit le rapport du TRT5, ça illustre en fait une absence de consensus sur ce que doit être la prévention. Donc en fait, on a pas de consensus au niveau de ce groupe, et on a finalement un acteur central qui est AIDS qui va finir par faire cavalier seul, en quelque sorte, sur l'essai hyper-gay. Et donc, en fait, on a un premier tournant en 2010, après le rendu de cette consultation communautaire, on a la publication des résultats IPREX en novembre 2010, et donc c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à s'accélérer, puisqu'en 2011, Jean-Michel Molina obtient un financement de la part de l'ANRS pour réaliser son essai, donc une première phase pilote d'un an, avant le lancement officiel de l'essai, avec le recrutement des participants, etc. À partir de, donc, qui commencera en 2012. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un essai. Alors au départ, il voulait recruter, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais plus de 1000 participants. C'est un essai qui a eu du mal à recruter finalement. Il y a eu 362 participants, voilà, donc, qui est assez peu. Donc, ce qui pose aussi des questions sur la puissance statistique qu'on peut avoir pour les résultats. Donc ce qui montre aussi, ce qui est un signe en tout cas. De la vision que les premières concernées pouvaient avoir de cet outil avant qu'il ne soit autorisé. Ce n'était pas quelque chose qui était acquis dès le départ. Donc si je résume là cette période de référencement, on va d'abord en fait on va avoir la PrEP qui va bénéficier finalement de ce qu'on appelle des points d'entrée par le biais d'acteurs associatifs bien dotés, par le biais aussi de médecins qui s'inscrivent finalement dans le paradigme de la réduction des risques sexuels. Et c'est donc dans ce sillage-là qu'il faut comprendre la manière dont AIDE, en fait, va progressivement devenir propriétaire de la PrEP et influencer le discours à travers la promotion qu'elle va en effectuer, mais toute seule. Et donc cette position, elle s'explique aussi par des ressources humaines, financières, scientifiques dont l'association dispose hein, par rapport à d'autres. Souvent on a tendance à opposer de manière très binaire AIDE et ACT UP, mais ce ne sont pas des associations qui jouent, qui ont les mêmes ressources en termes financiers, humaines, etc. Donc en fait, on a une association qui tient une position symbolique qu'elle a acquise en fait à l'occasion de la controverse sur la réduction des risques sexuels et sur laquelle elle va capitaliser pour promouvoir la PrEP. Et donc ensuite, ce référencement scientifique, il doit répondre à un double impératif. D'une part, celui de la comparaison avec les tentatives précédentes de démonstration de l'efficacité thérapeutique. Donc en fait, il faut réaliser un essai qui... les défenseurs l'espèrent, aura des conséquences positives, des résultats positifs, mais aussi d'autre part un essai qui réponde aux conditions sociopolitiques du contexte français. Donc comment en fait promouvoir cet outil dans le contexte français. La manière choisie par ces défenseurs-là, ça va être de réaliser un essai clinique en double aveugle contre placebo, dont les résultats, donc c'est le gold standard de la recherche scientifique, hein, mais dont les résultats, pense-t-il, seront indiscutables au niveau scientifique puis politique. Ce qui donne en fait un schéma, alors je ne sais pas si on ne voit pas très bien, mais c'est un schéma que j'avais réalisé dans le cadre de ma thèse avec deux axes, donc un axe horizontal avec si les acteurs sont plutôt favorables ou pas à la réduction des risques sexuels, donc défavorables à gauche, favorable à droite, et sur l'axe vertical, le type de discours qui avait été mobilisé par les acteurs et les actrices, donc soit un discours plutôt réflexif, soit un discours injonctif. Un discours injonctif, c'est voilà, si vous voulez vous protéger, mettez un préservatif, exemple. Et donc on voit en fait une forme d'opposition. Alors c'est pareil, c'est un peu binaire présenté comme ça, hein, mais on a en fait des acteurs qui sont placés un petit peu aux antipodes dès le départ, donc c'est ACT UP Paris ici et AIDE tout en haut. Et au milieu, on a des acteurs qui se situent sur un entre-deux, qui ne sont pas forcément défavorables à la réduction des risques sexuels, mais qui ont des doutes sur la PrEP ou l'utilisation de ces molécules auprès des séronégatifs, notamment sur le risque de résistance du virus aux molécules, etc. Et on a des acteurs qui vont évoluer au fil de l'histoire. Donc les positions, bien sûr, sont jamais statiques. Mais les flèches, en fait, elles montrent les acteurs qui évoluent au cours de l'essai. Pas une fois que les résultats sont tombés. Une fois que les résultats sont tombés, globalement, tout le monde s'accorde à dire que la PrEP est efficace, etc. Après, reste à savoir comment on la promeut politiquement, mais en tout cas, ça fait plus de doute. Mais on a des acteurs comme, par exemple, la DGS, qui, au départ, est assez défavorable à l'idée de la PrEP, qui va progressivement évoluer, à partir du plaidoyer de AIDE. Voilà. Donc je vous le laisse ici pendant de tout. C'était la dernière diapo de toute manière. Donc je vous ai dit que c'était très court. Mais pour vous donner une illustration. Et donc avant de passer au référencement politique, donc sur cet essai lui-même, donc je vous disais, il a eu du mal à recruter. Hein, il débute en 2012, mais avec seulement 362 participants qui sont tous ce qu'on appelle, dans le jargon épidémiologique, des HSH, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, donc c'est-à-dire des personnes homosexuelles masculines, ce qui est très différent en fait des autres essais qui avaient été réalisés dans le monde, donc au sud, où là les principaux publics, qui avaient été concernés par ces essais étaient hétérosexuels, majoritairement féminins et travailleuses du sexe. Donc on est sur un public là qui est radicalement différent, qui correspond en fait à l'épidémiologie des pays du Nord, mais qui du coup pose la question quand même de l'invisibilisation d'autres groupes en dehors des HSH. Donc, ce qui recoupe aussi l'histoire du VIH dans les pays du Nord. Hein, on va pas. Voilà. Donc cet essai débute en 2012 et en fait ce qui est intéressant c'est de voir les liens aussi politiques que vont entretenir les promoteurs de cet essai avec les décideurs et décideuses de l'époque. Donc à titre d'indication par exemple, donc en 2012 on a un changement de majorité présidentielle, donc on a l'élection de François Hollande avec un nouveau gouvernement qui est nommé et donc Marisol Touraine qui est nommée au ministère de la Santé qui... réserve son premier déplacement international à l'IAS de Washington, donc qui est une grande conférence mondiale sur le VIH, à l'occasion de laquelle elle rencontre Jean-François Delfraissy, Jean-Michel Molina et Françoise Barré-Sinoussi, qui est prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH, co-découverte du VIH. Et donc, à ce moment-là, en fait, elle va connaître ce projet d'essai et elle va discuter avec ses acteurs. Qui vont la convaincre en fait du bien fondé de tester les molécules antirétrovirales en prévention. Et donc à partir de ce moment-là va débuter en fait une période de latence. Et là je suis vraiment désolé, je vais devoir basculer dans la passion de l'administration française pour les acronymes, puisque donc l'essai débute en 2012, donc tout se passe relativement bien. Et donc il y a des résultats encourageants qui arrivent en janvier 2013. Et donc en janvier 2013 ces premiers résultats encourageants permettent à Bruno Spear, donc toujours président de AIDE, de faire une demande de RTU, donc une recommandation temporaire d'utilisation, qui est en fait, alors je vous l'explique deux minutes, c'est un régime dérogatoire qui est autorisé par l'Autorité nationale du médicament, qui permet l'utilisation pendant une période maximale de 3 ans d'un médicament qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché, d'une AMM, mais dans des conditions différentes prévues par cette AMM. Donc, en gros, je traduis, les molécules antirétrovirales en question disposaient d'une AMM, mais pour le traitement de l'infection, pas pour l'utilisation en prévention. Donc, en fait, là, on va demander une RTU pour justement une utilisation temporaire en prévention, avant que cette AMM change. Donc, il y a deux manières pour que cette AMM change. Soit, en fait, il n'y en a pas deux. C'est qu'il faut que le laboratoire qui dispose de la propriété intellectuelle et commerciale de cette molécule fasse une nouvelle demande d'AMM auprès des autorités, qui inclut, en fait, cette utilisation. Donc, en janvier 2013, on a cette demande de RTU de la part de Bruno Spear. Et là, pas grand-chose. En fait, pendant, on va dire, sur une période qui s'étale de mai 2013 à l'automne 2015, au niveau administratif, il se passe rien du tout. En janvier 2013, il y a une relance de la part de Bruno Spear. Il obtient une réponse comme quoi il va y avoir une demande qui va être instrumenté par un comité scientifique spécialisé temporaire, un C2ST, mais en fait cette période d'instruction va durer finalement plus d'un an et demi avant que cette commission spécialisée scientifique spécialisée temporaire s'accorde à dire que voilà, est-ce que la PrEP est une spécialité qui pourrait faire l'objet d'une autorisation et d'un éventuel remboursement en France sur la base des données disponibles à l'international et en France. Et pendant cette grosse période de latence, on a des données d'efficacité qui arrivent de l'étranger. Donc il y avait un essai, par exemple, un autre essai qui était très similaire à Hypergay, mais un petit peu différent sur le mode d'administration, qui était l'essai PROUD, qui était réalisé en Angleterre. Donc les résultats préliminaires tombent en octobre 2014, ils sont publiés à ce moment-là et ça va encourager les organisateurs de l'essai à abandonner le bras témoin, le placebo, en Angleterre pour mettre tous les participants sous Truvada, sous antirétroviraux. Et en fait, ils sont suivis en cela par Hypergay. Par ceux d'Hypergay. Donc en fait, à partir de la fin d'année 2014, tout le monde est tous les participants sont sous antirétroviraux. Et les résultats des deux essais arrivent en février 2015. Ils sont publiés dans une très grande revue médicale qui est le New England Journal of Medicine, qui atteste en fait de la très haute efficacité de la PrEP, alors à la demande dans le cas français, mais de la PrEP en Angleterre. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, on a les données. Donc, le référencement scientifique, finalement, est effectué. Et il va falloir passer maintenant au référencement politico-administratif. Donc, comment, en fait, on traduit ces données scientifiques, ces données d'efficacité dans les politiques publiques et comment, en fait, quelle place on octroie à ces antirétroviraux dans les stratégies préventives. Est-ce qu'on bascule sur un modèle où on promeut que ça ou est-ce qu'il va y avoir une coexistence ? Voilà, bon, spoiler, il va y avoir une coexistence et il va falloir l'organiser, justement. En fait, on va l'enjeu du référencement, il va porter en fait sur plusieurs inquiétudes qu'ont formulées les acteurs et que j'ai pu constater dans les archives. C'est en fait, est-ce que la diffusion de la PrEP va agir négativement sur les comportements individuels. Donc, est-ce que finalement, les gens ne vont pas abandonner le préservatif au profit des seules molécules et donc ça va avoir pour conséquence d'augmenter les infections sexuellement transmissibles, chlamydia, gonocoque, etc. Et la deuxième inquiétude, c'est le développement de résistance, de virus résistants aux antirétroviraux. Donc la ministre de la Santé à l'époque, elle est pour cet essai, mais elle est plus dubitative sur en fait la manière dont on va promouvoir ces molécules dans le discours politique. Ce qu'elle me dit lors d'un entretien, hein, la grande inquiétude entre 2013 et 2015, c'est est-ce qu'en mettant en place la PrEP, on ne met pas à bas 20 ans de lutte contre le sida qui reposait sur la prévention et le préservatif. Donc il y a quand même une grosse inquiétude. Et donc, là, va y avoir en fait un travail de référencement auprès des décideurs directement. Alors, je vais aller du coup très très vite et on pourrait y revenir pendant les questions. Ça va être effectué majoritairement par la direction plaidoyer de Aide, qui a du coup développé une direction plaidoyer. Et donc là, en fait, ces salariés vont activement défendre ces antirétroviraux auprès du personnel du cabinet de la ministre. Parce que du coup, ça passe. Enfin, il faut que la ministre signe l'autorisation pour que la PrEP soit autorisée et éventuellement remboursée. Donc là, ils vont se heurter à des acteurs veto avec des individus, des acteurs qui vont en fait exprimer des résistances, soit par idéologie, soit par souci d'économie. Et donc, en fait, l'idée de Aide, ça va être d'inscrire la PrEP dans une forme de continuité. Avec ce qui existait auparavant, donc c'est de la réduction des risques sexuels. Il n'y a pas forcément de risque de résistance parce que ce sont des molécules issues de ce qu'on donne aux séropositifs depuis 20 ans, donc les effets sont connus, etc. Donc en fait, on a vraiment une volonté d'inscrire cet outil dans une histoire longue plutôt que de montrer cet outil comme une véritable rupture avec ce qui préexistait. Et surtout, il va y avoir une stratégie de la part de Aide de tri des publics concernés par cette PrEP. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas dire on va la diffuser largement en population générale, comme le préservatif l'a été, mais on va la restreindre, à des publics les plus exposés, donc les HSH, premièrement les HSH en fait, mais essentiellement blancs, urbains, etc. Et puis ensuite les personnes à très haut risque, les travailleurs, travailleuses du sexe, les personnes migrantes et les trans. Sur le changement de paradigme, en conclusion, donc comment en fait on peut caractériser cette évolution comme un changement de paradigme dans la prévention du VIH et des IST. Donc là, je vais me référer aux travaux d'un politiste qui s'appelle Peter Hall, qui distingue en fait trois ordres de changement dans le changement de paradigme. D'abord, un changement dans les buts de la politique, le changement d'instrument et le changement dans l'utilisation de ces instruments. Ces trois ordres en fait permettant de qualifier voilà les évolutions paradigmatiques dans les changements dans les politiques publiques. Et donc en fait, il me semble dans cette histoire pouvoir repérer les trois ordres de changement qui donc je vous l'ai dit hein, ça remonte au milieu des années 90 mais jusqu'à la fin des années 2010. Donc premier niveau de changement, un changement dans les buts de la politique. Donc là, on se situe à la fin des années 90. On a une baisse de mortalité qui est consécutive en fait à l'arrivée des traitements efficaces, qui provoque en fait ce que le sociologue Michel Sedbon a appelé une normalisation paradoxale du SIDA. C'est-à-dire en fait, on a la suppression progressive de l'urgence politique et sanitaire liée à cette épidémie, qui l'a caractérisé en fait depuis les années 80, et qui va laisser place en fait à une forme de rationalisation administrative et budgétaire. Donc c'est la disparition de la division SIDA à la DGS, l'intégration de cette problématique avec d'autres maladies. Et du côté des politiques, En fait, il va s'agir de trouver de plus en plus les personnes séropositives pour les mettre sous traitement. Je vous parlais tout à l'heure du rapport du Conseil national du SIDA de 2006. Voilà, on est en plein dedans. Donc, il faut trouver les séropositifs, les mettre sous traitement et en parallèle, toujours promouvoir le préservatif. Deuxième strate, deuxième niveau de changement, c'est le changement dans les instruments qui se superposent en fait au premier ordre. C'est l'arrivée des traitements antirétroviraux qui constituent un nouvel outil dans la lutte, mais qui charrient avec eux tout un ensemble de déclinaisons au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Donc, c'est le TPE des années 90. 95 à peu près, traitement post-exposition, qui était d'abord donné dans le cas de l'infection de la mère à l'enfant, puis élargi. C'est le traitement comme prévention, le TASP, à partir de 2008. C'est la PrEP à partir de 2016, etc. Et le dépistage. Donc en fait, tous ces nouveaux outils issus des antirétroviraux, de la famille des antirétroviraux, en fait, ils vont changer le statut du dépistage, qui va devenir un instrument de connaissance pouvant ouvrir l'accès au traitement, alors qu'avant, les personnes ne se dépistaient pas forcément, justement, parce que même si on connaissait son statut, on n'avait pas forcément derrière de possibilité de traiter l'infection. Et donc, comme le soulignent les travaux de Mogelli, le renouvellement de l'importance du dépistage engage aussi des politiques de tri à travers les populations clés. Donc, on ne va pas chercher à dépister tout le monde, on va dépister les personnes qui s'exposent le plus ou qui sont le plus marginalisées ou qui sont le plus éloignées des structures de soins. Et troisième niveau de changement, troisième strate, c'est le changement dans l'utilisation de ces instruments. Ça renvoie à ce qu'en anthropologie de la santé, on appelle la dimension plastique des molécules antirétrovirales. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une molécule, si on réfléchit et on s'intéresse aux usages de ces molécules, aux appropriations, on voit en fait que, à la fois au niveau du travail scientifique, mais aussi des usages profanes, on a une multiplication des usages. Donc je vous le disais tout à l'heure, TPE, TAS, PrEP, dépistage, en fait, on a une multiplication des usages qui font l'objet de stratégies de plus en plus ciblées dans le cadre d'une redéfinition des groupes sociaux les plus exposés. Donc en fait, on assiste de plus en plus à une segmentation des publics qui sont concernés par la prévention, par l'épidémie, et par la prévention, à partir des instruments qui vont eux-mêmes refléter des visions du monde. Donc c'est la sociologie des instruments d'action publique de la SCOUM et le GALES. Et donc ce changement dans l'utilisation des instruments, il est permis par de nouveaux savoirs disponibles, qui sont mobilisés par une coalition d'acteurs qui défendent une nouvelle approche du fait épidémique et des moyens de lutter contre. Donc c'est des actions ciblées auprès des publics les plus exposés à qui sont proposées différentes stratégies préventives. On va parler de prévention combinée ou de prévention diversifiée. Un ciblage des groupes sociaux pour le dépistage et surtout auprès de ceux qui s'ignorent. Donc c'est l'apparition et la diffusion du terme « épidémie cachée ». Donc pour lutter efficacement contre l'épidémie, en fait, il faut aller chercher les personnes qui s'ignorent, qui sont séropositives mais qui s'ignorent. Et il y a eu des modélisations mathématiques et épidémiologiques qui ont montré en fait que cette épidémie cachée représentait à peu près 20% des personnes contaminées en France. Et une modélisation statistique qu'on appelle en cascade, donc à partir d'un article d'un chercheur américain, qui dit que si c'est le 3x90, si 90% des personnes séropositives connaissent leur statut, que 90% des personnes qui connaissent leur statut sont sous traitement et que 90% des personnes séropositives sous traitement sont indétectables, dans ce cas-là, vous brisez, en fait, vous cassez les chaînes de transmission et vous pouvez aboutir à une fin de l'épidémie. Voilà, donc, et pour conclure en une phrase, apparaît du coup un nouvel horizon politique et scientifique. Donc c'est plus l'éradication via une solution vaccinale, mais plutôt en fait une fin de l'épidémie par une mise sous traitement à la fois élargie, mais plus ciblée, des séropositifs et des séronégatifs les plus exposés. Voilà, ce qui n'empêche pas, et on pourra peut-être y revenir dans la discussion, je l'espère en tout cas, sur les groupes sociaux qui ont été invisibilisés dans cette histoire, les acteurs associatifs aussi, le retour en fait des groupes à risque sous la nouvelle dénomination des populations clés, qui n'est pas sans poser de questions au regard des nouveaux savoirs scientifiques qui ont été développés ces 15-20 dernières années.